Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'introduction de l'album Soluk d'une chanteuse turque que j'ai découvert il y a 3 ans, Cenem Ertem. Elle fait du rock expérimental. On dit tantôt trip hop, tantôt avant-garde. Elle mélange des sonorités de jazz aussi à travers sa musique. Elle s'inspire tantôt du folk turc. Ça donne un ensemble, ma foi, fort agréable à entendre. Et cette semaine, je vais lui consacrer toute la première heure de l'émission Les Oreilles Ailleurs. Les oreilles ailleurs qui sont prolongées d'une heure exceptionnellement, ce qui va me permettre de vous présenter dans la deuxième heure une compilation qui se veut, caritative. Bon, enfin, pas vraiment caritative. C'est le but de cette compilation, c'est de ramasser des sous pour aider les victimes de la répression en Ukraine. La compilation s'appelle « Folk for the People ». Et l'argent qui est ramassé par cette compilation va à un organisme qui s'appelle SOS Maiden. Mais enfin, j'ai rejoint un peu plus tôt Mich Rozek de l'ensemble Rastaban qui est à l'origine de cette belle initiative et en début de deuxième heure, il va nous expliquer l'objectif qu'il a poursuivi avec cette compilation, cette initiative. Mais d'abord, on va y aller avec une deuxième pièce de l'album Soluk, une pièce qui s'appelle Insanzik. Ensuite, on va écouter Mui mineur. Dans cette compilation, ce qui est assez original, c'était le premier de Jenem Ertem, c'est qu'elle a réuni une quarantaine d'artistes autour d'elle. C'est une femme qui est très, très active sur la scène alternative turque. C'est quelqu'un qui a étudié qui a étudié la musique occidentale, c'est quelqu'un qui a étudié le chant, c'est quelqu'un aussi qui a étudié la musicologie, donc elle a beaucoup de connaissances musicales. C'est quelqu'un qui a fait de la radio aussi, elle a fait une émission de 26 épisodes sur les femmes et le jazz en Turquie. Donc c'est une femme que je vous invite à découvrir pendant la prochaine heure. On commence par Insanzik. Artık aklımız almaz bize ne anlatıyorsun artık sırtımız doğrulmaz bize neler yüklüyorsun daha fazla incinmez İnsan boşa yoruluyorsun. Kırıldı oyuncak, bitti oyun. İnatla niye çağırıyorsun? Toz pembe günler ellerin. Çamura buluyorsun Oysa melekler dokunsa yıldızlara Sen kendini tercih ediyorsun Thank you. yaşımı silme. Hazırlayın dönme yüzüme makyajımı silme. Cet album en 2010, c'est un mélange, comme vous avez pu constater, de musique électronique, de jazz. Elle est accompagnée d'un groupe qui s'appelle Anima, un groupe qu'elle avait fondé à l'époque. Quand je disais tantôt qu'elle a produit une série d'émissions sur les femmes et le jazz, en Turquie, c'est dans le cadre une émission qui s'appelait, Chubby Dab, et c'est sur Ejik Radio en Turquie. Et c'était, cette émission était une initiative réalisée dans le cadre d'une Octophone, qui est un projet de Philipp Grupper en Allemagne, et qui visait à faire connaître justement ces différents aspects de la musique ailleurs, notamment en Turquie. Elle a étudié à Yıldız Teknik University, Ceren Erdem. Elle a vraiment, des formations multiples, non seulement comme chanteuse, mais comme musicienne aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait de la radio, n'est-ce pas? On va poursuivre l'écoute de Soluk. Cette fois-ci, on va écouter Chuck Yakim. Et après, je vais vous faire jouer une partie d'un album qu'elle avait enregistré, qui avait été enregistré en direct, un album qui s'appelle Xenopolis. Faire écouter une pièce de cet album Sulu Grove qu'on va écouter. C'est par cet album Xenopolis que j'ai découvert Cenan Ertem il y a 3 ans et que je suis depuis sa carrière. On commence avec Chuck Yakin. Sessiz, lila, kor. çok yakın. Gökyüzü maviye döndü dönüyor. Boyanma vakti yeşile sahiden dilim doğru söylüyor. Sonra anlatırım şimdi sessizliği.

2004-2005, un album qui s'appelle Animasal. Elle a joué aussi dans différents orchestres en Turquie. Elle a fait beaucoup de scènes turques, beaucoup de scènes européennes, beaucoup de festivals un peu partout. C'est une femme très active. En fait, c'est tout ce qu'on appelle, c'est tout ce qui s'appelle le secteur, le domaine de la musique alternative, toute cette scène, tout ce circuit de la musique alternative qu'elle fréquente. Elle a entre autres joué avec un groupe qui s'appelle Paranyak, qui est un groupe turco-hollandais qui joue ce qu'on appelle la musique world jazz. Xenopolis d'ailleurs est issu de Xenopolis est issu de cette collaboration avec Barania. Mais là, en 2012, elle a lancé un album qui s'appelle, je vous l'ai dit, Utopialar Güzeldir. C'est un très bel album. La prochaine demi-heure est consacrée d'ailleurs à plusieurs pièces de cet album. On va commencer par écouter Olan Ajecek, Czechia. Ensuite, on va écouter Jenetim Umaklan, et puis Istina. Trois pièces tirées de l'album Utopianar, Güldezir de Cenan Ertem. İki, üç çeşit kalem tükenmez ve kurşun. İki, üç satır kelam tükendiler, sustum. İki, üç çeşit adam sen varken onlar yoklar. İki, üç çeşit kadın ben yokken onlar var. Kafamız karışınca sorular olunca kız kendini seviyor, bunu herkes biliyor. Sen ben biz anlamayınca aşk oldu aramızda palavra. Kafamız karışınca sorular sorulunca çekiyor, onu herkes seviyor. Sen ben biz olmayınca aşk oldu aramızda paçavra. Tükenmez ve kurşun. İki, üç satır kelam tükendiler, sustum. İki, üç çeşit adam sen varken onlar yoklar. İki, üç çeşit kadın ben yokken onlar var. Üzülme, kafamız karışık. Karışınca sorular sorulunca kız kendini seviyor, bunu herkes biliyor. Sen ben biz anlamayınca aşk oldu aramızda palavra. öldüğü yerde aktı şol cennetin ırmakları. Bir bezden bebek gördüm ben orada, ahla boyalıydı tırnakları. Gözlerinde uykusuz masallar, dizlerinde hala kendi çocukluğunu sallar. Sürgüler çekildi sonra, çatıldı cennetin o şen körpe gül kaşları. Gözlerinde uykusuz masallar, dizlerinde hala kendi çocukluğunu sallar. Sinalar kaydeler var. O oldukça kırılır istisnalar, kaideler var oldukça. İçinden denizlere tüm gemilerin, ne oldu gülüm ölürken, yenilenir hep heveslerin. Yüklerimden kaçma, İste çoğumu azımı kamburumdan korkma. Bir dostun anlar sızını, itilir istisnalar, kaideler var oldukça. Kırılır istisnalar, kaideler var oldukça. Chelan Ertem, qu'on entend depuis 15 heures à l'émission Les Oreilles Ailleurs, c'est qu'elle a une voix absolument phénoménale, très puissante, parfois fragile, parfois forte. Elle a un bon registre et aussi une grande imagination, une grande créativité, une grande capacité musicale. Enfant, déjà, elle était membre d'une chorale, une chorale municipale, et elle a appris aussi la guitare très tôt. Donc, elle a baigné dans la musique et toute sa vie, elle a poursuivi son rêve d'être une musicienne chanteuse sur la scène turque. En fait, il y a une chanson en anglais dans son dernier album. Et généralement, elle chante en turc. Elle a choisi volontairement, elle a choisi volontairement de faire sa carrière en turc. Et c'est tant mieux pour nous. On va poursuivre avec deux autres chansons tirées de Utopyalar Güzeldir, son dernier album, paru en 2012. Vous dire en passant que j'allais oublier de vous le signaler. Le nom des pièces va être sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net. C'est pas toujours évident, c'est sûr, parce que ce sont des titres en turc, enfin, prononciation à l'européenne, mais le turc est une langue assez proche quand même de la langue européenne. J'avais déjà fait d'ailleurs. Tiens, je vais vous faire une petite anecdote. Rapidement, une petite anecdote. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai été au Musée de la Civilisation et j'ai travaillé sur une exposition, en fait, sur les activités éducatives d'une exposition qui s'appelait Sur la Turquie. J'ai travaillé à un espace découverte ce qui portait sur la Turquie actuelle. Et j'ai travaillé avec un professeur d'architecture de l'Université Laval qui était turc d'origine, Aygun Turuner. Peut-être que certains d'entre vous se rappelleront de M. Turuner. Et il m'avait dit, quand on a commencé à travailler ensemble, à collaborer ensemble pour faire l'espace découverte, il m'avait dit, vous savez, il y a une chose que je veux que les gens retiennent quand ils vont être sortis de cet espace découverte. Et c'est celle-ci, les Turcs ne sont pas des Arabes. Et voilà, c'est important quand même de le savoir. On a tendance à mettre tous les peuples dans un même sac. Le peuple arabe, les peuples arabes étant une culture magnifique, mais qui s'est étendue au-delà du monde arabe comme tel. À un moment donné, ils ont contrôlé l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman était basé à Istanbul, qui était elle-même une ancienne capitale romaine. Enfin, on ne va pas faire toute l'histoire ici. Ils se sont même étendus du côté des Balkans. Donc, il y a plein de peuples non-arabes qui se sont convertis à la religion musulmane, enfin, même du côté de l'Extrême-Asie, un peu partout dans le monde. Et souvent, on a tendance à confondre, hélas, certains peuples. C'est pas que j'en ai contre la culture arabe. Au contraire, je l'ai dit, c'est une culture magnifique. Mais on a tendance à confondre les cultures. Et déjà, si j'ai mis ça dans votre oreille, les Turcs ne sont pas des Arabes, ben, j'aurais aussi accompli quelque chose cet après-midi. On poursuit avec deux pièces de Ceylan Ertem, Ne Güzel Gün et Annem Dusya, Uzuliyorlar. Et ensuite, ça va être tout pour la première heure de cette émission. Je voulais dire en début d'émission, exceptionnellement cette semaine, il y a 2 heures à l'émission. On va faire dans la deuxième partie, je vais vous présenter quelques-unes des 35 pièces qui font partie de la compilation Folk for the People. On poursuit avec Ceylan Ertem, qui s'écrit en passant C-E-Y-L-I-N. Ça s'écrit Ceylan Ertem et ça se prononce Ceylan Ertem. Evren kırıntısı bu güzeli yıldızlar gelir giderler dünyayı ezer dururlar göklerin eteğinde toprağın doğacak daha neler var ne güzel gün hava ne sıcak ne güzel gün hava ne serin bir yerinde durabilseydik ya da bu yolun ucunu görebilseydik umutta yok bu umutta hiç değilse otlar gibi kesilip yeniden sürülebilseydik bu yolun hoş bir yerinde durabilseydik ya da bu yolun ucunu görebilseydik umutta yok bu umutta hiç değilse otlar gibi kesilip yeniden sürülebilseydik kırıntısı bu güzelim yıldızlar gelir giderler dünyayı bezer dururlar gökleri toprağın olacak, daha neler var, neler neler neler neler neler neler, ne güzel gün, hava ne sıcak, ne güzel gün, hava ne serin. Görebilseydik ya da bu yolun ucunu görebilseydik, umutta yok umutta hiç değilse, otlar gibi kesilip yeniden sürülebilseydik bu yolun hoş bir yerinde durabilseydik ya da bu yolun ucunu görebilseydik, umutta yok umutta hiç değilse, otlar gibi kesilip yeniden sürülebilseydik bu yolun hoş bir yerinde durabilseydik ya da beni güldürüyor. Annem duysa üzülüyor. Yanlışlar güzel görünüyor. Bana yazıktır. Yıldığımı teninden alamam ki. Onda ben hiç kusur bulamam ki. Tahtlar kurar da yetinemem. Başım dönüyor. Gibi kafamdasın, renkleri bulanmaktasın, içinde bir noktasın, git git uzak. Kurtarılmalıyım aşk, son kez çırpınmalıyım aşk, acı bana, acı bana. Durup tekrarlanan kelimeler gece boyu sırtımda gezindiler. Gözlerimde yükseliyor sular, kaçın dalgalardan. Her hali beni güldürüyor. Annem duysa üzülüyor. Duyduğunda susmuyor kulağımda anne, ben de bıktım da müsaitlerden. Biz gibi kafamda şimdi bir noktasın, git git uzak. Kurtarılmalıyım aşk, son kez çırpınmalıyım aşk, acı bana, acı bana. L'émission Les oreilles ailleurs vous a été présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier Est, cafébabylone.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au Poble d'Orsay au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.